Conlambi Mythic Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Premier dimanche de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 16h-17h. Mon parti savait, chat, et verra tant complot si t'es à cause à moi. Chat, kate, t'es rat. Rat, kate, t'es chat en bas couche à moi. Mon parti savait, chat. Et puis, il y a ta complicité à casa, moi. Oh, chat, kate, te rat. Rat, rat. Rat, kate, te rat. Rat, rat. Rat, kate, te rat. Rat, kate, te rat. Rat, kate, te rat. Rat, rat. Rat, kate, te chat, en bas, couche à moi. Bonjour à tous, vous êtes avec EDS dans l'émission mensuelle Conlambi Musique Jeudi, émission consacrée aux musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe qui passe sur radio FPP, rfpp.net. Et c'est la première de l'année. Pour cette première de l'année, on va en profiter pour ouvrir les derniers cadeaux de l'année 2018, ce dont on ne vous avait pas encore parlé sur cette fin d'année 2018, et également nos vœux pour l'année 2019. C'est-à-dire les projets qu'on attend, ce qu'on aimerait entendre, tout ce qu'on attend encore dans les musiques actuelles de nos îles, Martinique, Guadeloupe. On va rappeler, si vous ne connaissez pas, ou même si vous connaissez, Musique Jeudi. Vous pouvez taper ça sur Google, ça devrait vous ramener sur le site streetdiamond.fr ou dans la rubrique podcast, vous aurez tous les podcasts de nos émissions de l'année. On rappelle qu'on a eu la chance en 2018 de recevoir des groupes de référence comme Bocanté avec Malika Tyrolien, comme le groupe Delgrès dont on parle de plus en plus, Easy Kenenga. Nous avons eu PK avec ses amours parenthèses, l'exotisme de Mano Dichango, l'album de Flo, la rappeuse de Guadeloupe, en passant par Miami, l'album en duo de Boogie, Flaha et Fola, Rété Dubout. Et bien sûr, chaque mois, toutes les nouveautés de musique actuelle, nos musiques jeudi, comme on dit. Tous ces artistes qui parfois n'ont fait qu'un titre, parfois un album, un EP. Eh bien, on suit tout ça, on les réunit. Donc, allez checker nos podcasts indispensables. Un grand moment passé en cette année 2018. Et on démarre cette année 2019 avec les derniers cadeaux non encore ouverts. Et là, c'est un cadeau qui est même en cours d'emballage. Le beatmaker s'appelle Jibrahil. Vous avez entendu un morceau à l'instant qui allait sampler un titre de Robert Loison. Eh bien, on va enchaîner avec un autre où il va remixer Ave au Doudou de Kassav de Jean-Claude Nemro. À sa sauce, on rappelle que Jibrahil, c'est un ancien membre du groupe Bocaz, un groupe de hip-hop créole qui n'a pas sorti de projet discographique, et c'est bien dommage car c'était vraiment pour moi la prochaine révélation en hip-hop créole. Mais bon, voilà, en musique actuelle, il y a toujours beaucoup de surprises. C'est pas évident d'aboutir à tous ces projets. Bien, Jibrahil sort à sa sauce en mode beatmaker des projets sous l'étiquette, on va dire, celle qu'il a nommée Ambient Opka. On pourrait dire Kako, on pourrait dire hip-hop créole, peu importe. En tout cas, voilà, il va mélanger toujours le gros cas avec des influences plus électroniques. Et là, carrément, c'est des hommages qu'il rend. Il a aussi remixé un titre de Tania Saint-Val. Et il y en a encore à venir, puisque le EP n'est pas encore complété. Jibrahil, le EP s'appelle LHEP1. Et donc voilà, on écoute encore une petite sauce. Et on est content d'entendre ces titres, parce que c'est exactement la direction dans laquelle on aimerait que plus de compositions en rap, en hip-hop, en trap puissent aller en 2019. C'est un vœu pieux, tant la tendance est plutôt à l'imitation des couleurs complètement formatées à l'américaine. Peu importe, en hip-hop local, on a des choses, eh bien, qui vont plutôt dans ce sens-là. n'est pas à proprement parler beatmaker, mais le musicien martiniquais Boris Reine-Adélaïde se fait aussi appeler DJ Bra. Et ça commence à faire quelques productions assez sérieuses. Là, ce qu'on va entendre, c'est le titre Caribé Funk. Il promène son tambour Belay, la percussion martiniquaise de référence, sur un titre, sur un air baile funk pour une sauce, un mélange très intéressant où, eh bien, là, on va dire que la voix principale, c'est justement ce tambour Belay qu'il cherche à populariser, peut-être à vulgariser, en tout cas à ce qu'on entende sa voix, puisque ce n'est pas la percussion la plus connue de la Caraïbe. Et bien, au fur et à mesure, c'est avec des projets comme ça qu'on va apprendre à entendre son discours, sa parole, le tambour Belay frappé par Boris Reine-Adélaïde. Et on va suivre en 2019 tout ce qu'il peut nous proposer. On sait qu'il a déjà proposé un projet mot Caraïbe où il allait du côté du Congo. Il a sorti le calendrier Dim du côté de la dancehall et là maintenant nous sommes au Brésil. On va continuer d'écouter ce percussionniste qui ne se contente pas, si on peut employer le mot, de jouer pour les plus grands, avec les plus grands groupes depuis Kassav, de Dédé Saint-Prix, Admiralty, sur les plus grosses scènes des Antilles internationales. Et bien aussi il nous propose ses productions qu'on est bien content d'entendre et on dira que beaucoup d'artistes seraient bien inspirés d'écouter un peu tout ce qui se fait par-ci par-là, puisque on rappelle, on ne cesse de le dire, mais les beatmakers, les producteurs, ces compositions électroniques souvent décriées par nos musiciens traditionnels, eh bien elles portent en elles quelque chose qui permettrait, voilà, de moderniser un peu plus nos productions en provenance de Martinique, de Guadeloupe. On démarre avec un ovni, c'est le EP Zandoli qui n'est pas encore sorti, qui arrive le 8 février 2019. C'est l'artiste Charlotte Adigéry, une chanteuse belge d'origine martiniquaise, associée à un compositeur lui aussi martiniquais mais chinois, Bolis Pupul, si je prononce bien, je ne connais pas non plus, on découvre, et c'est le premier extrait, Pâté ni Pâte, de ce duo, une sauce électro inspirée par les origines communes martiniquaises du duo. On est impatient d'écouter ce 5 titres et on espère pourquoi pas recevoir le duo dans l'émission Musique Jeudi. On ne sait pas, en tout cas, voilà, il faut savoir, on a déjà fait une émission sur le créole hors sol, ces groupes venus installer soit en France, soit au Canada, ailleurs. Là, nous sommes partis en Belgique et qui permettrait, avec un peu plus d'ouverture, de curiosité, d'enrichir l'expérience des musiques actuelles créolophones en Martinique, en Guadeloupe. Pourquoi pas, on suggère. Et là, c'est Pâté ni Pâte, Zandoli, Pâté ni Pâte. Zandoli, Pâté ni Pâte et Zandoli. Si ou t'a senti ou tout dit, pour continuer tout ni. Si ou t'a senti ou tout dit, pour continuer tout ni. Si ou t'a senti ou tout dit, pour continuer tout ni. Si ou t'a senti ou tout dit. Dans nos vœux Musique Jeudi 2019, qu'on va dire à haute voix, parce qu'on a envie que peut-être l'artiste lui-même l'entende, on va citer le groupe The Ting Bang, véritable révélation, selon moi, des musiques actuelles de Martinique, qui eh bien, n'a pas encore proposé de titres enregistrés à écouter. Donc ça va être ça notre souhait, peut-être un projet enregistré, album, EP, peu importe aujourd'hui. Choisissez votre sauce, mais en tout cas voilà, c'est un groupe qui a déjà commencé à bien tourner sur scène en Martinique et aussi en France. Ils ont eu l'occasion de faire une tournée en cette année 2018. Moi-même, n'étant plus en région parisienne ni en Martinique, je n'ai pas pu y assister, mais j'ai eu le plaisir de découvrir certaines vidéos en les suivant. Donc je vous invite à suivre The Ting Bang. Il y avait notamment un concert en direct lors du Caribbean Social Club, l'événement organisé par Califonic et DJ Modsec. Et j'ai pu comprendre que le groupe a déjà tout un répertoire, pourrait déjà avoir un album. Et voilà, nous sommes en 2019, les règles ont changé. Peut-être qu'ils ont choisi de fonctionner d'abord par la scène. Comme nous n'avons pas de morceaux enregistrés, nous allons diffuser un extrait de live. C'est The Ting Bang au Milk Shop en Martinique. The Ting Bang, c'est la voix de Maleika. C'est le tambour belay de Johan. Et ce sont les productions et les percussions de DJ Nos. DJ Nos, quand nous l'avions reçu dans l'émission Musique Jeudi, nous parlait de ses futurs belay beats. Et bien voilà, il arrive avec un autre projet The Tick Bang déjà complètement mûri, complètement achevé, et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant à écouter en termes de mélange du Bel Air et de musique électronique, et aussi eh bien la présence, l'apport de Maleika au chant, l'apport scénique et cette rencontre entre tradition, modernité, pure modernité. On attend de voir ce groupe sur les scènes dans les festivals internationaux. Vraiment, on leur souhaite le meilleur et on écoute tout de suite ce titre dont je n'ai pas le nom, et c'est The Tick Bang au Mill Shop en 2018. Fragile aussi, capable force en tout ça, la nati, voyez Bali, capable force en la pluie, jaillit soleil qu'on sert l'ennui, éclair la ligne qu'a soupé racine, li qu'arrive et li médifé la vie. Grandi, il bien changé. Vin belle mango, manie doré. La peau est comme ça qui a éclairé. Senti la chaîne qui en dit tant qu'a pété. Ouais, ouais, où c'est les manger. Senti ou senti, c'est les sisser. Mais y'en, c'est les râler. Boko mime au souhait amitié qui tue. Où les mangoas, où les mangoas, où les mango ay ka oule i ka gate pou li vanse i pa ni to gate de ye i ja konnet sa ki mize i ja konnet sa ki soufè i ja wè bien twop doule mango a bizwen pan lomè ale pi lwè pou wè linye oule. Il y a un autre super groupe qu'on attend impatiemment, dont on attend impatiemment une trace discographique. On va encore rester sur des extraits de live. C'est le trio XPK, une espèce de dream team composé de Sony Troupé au tambour, Groka, de Seliawa à la flûte et au chant, et avec en MC principal la légendaire Kazé. Le groupe XPK, parti d'une expérimentation live et qui bien maintenant existe en tant que groupe, a pu déjà s'illustrer sur plusieurs scènes. L'extrait qu'on va écouter, je crois, ne date pas exactement de 2018, mais en tout cas, ils ont été présents en 2018 et on espère, on attend un album, cette rencontre entre le rap, le Groka. Vraiment, je ne saurais pas en dire beaucoup plus à part vous faire écouter ce titre qui parle eh bien, de confiscation de la parole, un sujet qui nous parle à tous en tant qu'insulaire, en tant que petite communauté, en tant que peuple. Enfin bref, écoutez XPK avec les voix de Seliawa, de Kazé et la frappe au tambour de Sony Troupé. C'est moi qui sais où j'ai mal. faire à ma place. Qui veut maîtriser la source ne fait qu'en effacer les traces. Je sais ce qui les pousse. Autre souhait, autre vœu, Musique Jeudi pour l'année 2019, c'est la sortie, on l'espère, de l'album de Swanee, Manzel Swanee. Eh bien, le projet s'appelle Créole Cauchy, on l'attend encore, on a pu entendre certains extraits dans des émissions. On a pu également, pour ceux qui étaient du côté de Clichy, il me semble, l'espace Henri Miller, l'entendre cette année en concert où elle présentait son projet avec son équipe de musiciens. On va écouter, eh bien, justement, un extrait de ce concert. C'est le titre Fais Viao, Swanee. Eh bien, si on devait la décrire, j'imagine qu'on peut parler de soul, on peut parler de jazz, on peut parler de poésie, on peut parler de rap, son flow, sa sensibilité, la précision de sa voix. Bref, on attend impatiemment ce projet. On sait, on le rappelle pour ceux qui peut-être qu'ils ne le savent pas, que ce n'est pas si simple de sortir un projet qui va être dit peut-être alternatif, en tout cas hors des tendances les plus populaires, mais on ne peut que l'encourager à aller au bout de la démarche parce que, eh bien, le talent est assez inégalé. Manzel Swanee, c'est le titre Fais Viao. Dans les derniers cadeaux de l'année 2018, eh bien, il y a ceux qui vont certainement se convertir en vœux pour 2019. On va parler d'un EP dont on a entendu la première partie en 2018. On ne sait pas pour quand est prévue la suite, mais comme c'est un part 1, on suppose qu'il y aura du 9 en 2019. C'est le Carib Future Sounds de Celiawa. Celiawa, on ne l'a pas précisé, mais on a mentionné son nom dans le groupe XPK avec Kazé Sony Troupé. Elle est également choriste pour Mlle Swanee qu'on a entendu en live à l'instant. Donc elle était là. Et bien, il faut savoir aussi qu'elle est en lead sur son propre projet. Le EP s'appelle Adam on Dot Soleil et le titre Adam on Dot Soleil avec le beat de Karami. Eh bien, fait partie de voilà des très très beaux morceaux sortis en 2018 et on attend impatiemment la suite. Merci la vie, merci pour tout ce qui s'offre à nous. Des moments durs, des moments doux, mais ça vaut le coup. Rire, on pleure, on chante, on danse. On rit, on meurt, on vit. Même si ça pas facile tous les jours, pas oublier qu'être en là qu'est toujours. Vancer, la tête a tourné, tourné. Mamie partie, petite rivée. Ballon la vie, mené y aller. C'est y'a fermé pour l'éternité. Que y'a eu veillant qui l'a mouillé commandé. Oh, chaque après mal, la vie en s'est arrêté. Douleur encore, pas belle en mort. Tu rivais tomber, levé, qu'un bémoli. Songez découvert, les ressourcils, l'ennui de la lumière, l'homme en la vie. Soyons et l'autre, nous pas qu'à exister. Soyons et l'autre, nous pas qu'à exister. Si ou aller manquer toujours songer tout l'homme ou bon moins pour moi puis ça lever tout petit pour y peut aller loin loin loin loin loin, hey. On sait bonjour nous qui rejouer, on sait bonjour nous toutes qui jouer, hey. Adam on dot soleil. Konelambi, musique jeudi, première de l'année 2019. Eh bien, il faut savoir que les cadeaux de fin d'année 2018 étaient assez nombreux. Et là, c'est encore un ovni. C'est l'album Parole Infinie du groupe Mélanine. Mélanine, eh bien, c'est un groupe de hip-hop que vous devriez découvrir si vous ne le connaissez pas. L'album Parole Infinie est certainement atypique par rapport à toutes les sorties que vous pourrez entendre. Et le morceau qu'on va écouter n'est pas même pas le plus représentatif de l'album, mais en tout cas un titre qui s'assure une certaine polémique, hein, si on prend le temps d'écouter. C'est le titre Décréolisation, avec le seul couplet en langue guadeloupéenne, puisqu'on ne va pas l'appeler créole, de l'album. Décréolisation, c'est Kemet et Pure Pro. Deux rappeurs beatmakers aux paroles pigmentées, revisitées, infinies. Pays Guadeloupe, langue à pays à moins ni style. Hier soir, Mimi paraît en rêve, en moins douette, qu'on piquait du bout. En mi-temps, chimela, et chimela, c'était en moins. L'arrivée a toujours clairé, y'a de la démo maquille. Messieurs, langue à pays la collait, on collait sans maman. En plein mi-temps, en rêve, en moins. Pas ni moyen combattre ça, alors sans couteille. Langue à pays la palais, pour parler, il palais. Dis-moi, là, c'est un lasse, vrai, moun fait bébé, là. Lasse, vrai, moun fait moun, pas l'eau, moussage pour l'être réel. Non, yo vieux bail créole, pas taille, ben ouais qui taille. À si réunion, celle non, pas d'avance, le maman. Non, ma non, mes femmes vaillantes, qu'elle est debout, depuis nani, nana. C'est Congo qui Congo, balan, mot Congo, qui en langue la, Zambi, Muntu, élevé les Makanda, Agourou, Gembo, Amoué, Blokoto, Awa, décréolisé, décréolisé. Nègre décomplexé qui s'exprime, laisse libre cours à leur inspiration, faire fi des pour qui se prennent-ils, et du quand dira-t-on faire face quand il en est en pas d'esquive, Albert. Mais mis dans mes rimes esquisses, croque le colorisme, intériorisé quand d'autres célèbrent leur créolité. Autre cadeau de fin d'année en hip-hop guadeloupéen, c'est le EP de McFla qui s'intitule Résilience. Un EP de 5 titres, 5 pistes très bien ficelées, dont on apprécie la cohérence, la sincérité du message. Vraiment, voilà, je pense que ce format EP prend beaucoup de sens à l'écoute du projet Résilience. Deux featuring de poids avec la légende jamaïcaine Luciano qui signe l'intro Keep Holding On, ainsi que Stick du groupe Dead Prez, groupe de hip-hop américain sur Temps Troublé. On va choisir, nous, de jouer un morceau sans featuring où McFla livre un message fort, puissant. C'est le morceau C'est Pouzot. L'on a gardé des guerres, moi en cavoué différents bits. Chaque moun ni en chimé, différents routes, différents destins. Ni ça qui arrête tibouin, ni ça qui arrête à la fin. Ni ça qui l'a pour un moment pour mener ça au besoin. Avant nous séparer, nous ni en l'obité à vivre. Donc la vision voyage et non ma nous tout plein drive. Aïe, pas éternel, en réalité, en j'a suivre. Mais foutre la vie la pépelle, en histoire qu'on pas j'en livre. En casson j'en frêle, nous t'en la coulé école. Toujours drôle, en merdant, il t'es cagonne, les maîtresses folles. En temps à chaud tapé, chaud délice, c'était insouciance. Mais aïe, on peut pas prédire, on le paramètre changer sens. Dernier fois en vrai, c'était Adam, la rue, la pointe. Zé a été plein colère, monde aïe, enfanta la bête. Il t'est sorti la jolle, tatouage, c'est tout quoi. Allez, aïe, pas molle, système là, qu'a mangé mouraille. T'as mal de t'y casser, pour tout ça qui pas j'en rive. Tout ça qui t'est au départ et qui pas là, la rive. L'année passée, mais en pas j'en oublié zot. One of les frères et sept, à la seigneur vous autres. T'as la dédicacée pour tout ça qui pas j'en rive. Tout ça qui t'est au départ et qui pas là à la rive. L'année passée, mais en pas j'en oublié zot. One of les frères et sept, à la seigneur vous autres. Franchir en cas songer, les temps nous tient en classe ensemble. Laissons pas tes vlés apprendre à pas rien ou t'es qu'à tendre. Toujours t'es qu'à faire nourrir, en t'es bien aimé vers souris. Nous t'es qu'à jouer, qu'à courir, jouer en nous, nous t'es qu'à nourrir. Enfin, ils savent que t'es pas en mauvaise direction. Rentrer en Guadeloupe, croiser quoi dans intersection. Dans mauvaise transaction, vieux mais ses comportations. En d'autres vivations, à pas des confrontations. Ou toujours check me cool, nous chaque cas fait fi en nous. Moun t'es qu'à dire bête la boule, qu'est au cas mâché qu'on fout. La vie m'a réformé, non mi pas capable d'autre option. La vie là ça pas jeune, on sait dans mode où les éteignes. On joue ou jeune, on sait que les étoiles a commencé monter. Les trois bêtises accélérées, puis t'es là t'es généré. Cadeau de fin d'année, mais aussi promesse du véritable projet pour 2019. C'est le duo Ishango Sound, composé de Mano d'Ishango, que nous avons déjà reçu pour son projet Exotisme volume 3 cette année. Et Jamal Fines, Ishango Beyonder, c'est la rencontre du duo Ishango Sound avec le producteur beatmaker Dwayne Beyonder. Et bien voilà, c'est encore un projet très intéressant venu de la planète Ishango qui depuis sa mixtape Fanbase, eh bien, n'a cessé de faire revivre son répertoire. On a eu le projet Ishango Kako qui remixait avec Calbasmas, un des titres de cette Fanbase. Eh bien, encore une fois sur Ishango Beyonder, on a des remixes des titres de Fanbase, on a aussi des remixes du projet Exotisme de Mano d'Ishango, on a des featuring d'Ineskai, de Starji, de Yalisai et d'un MC de Sela Dwelaz. Eh bien, on va écouter le titre 88, l'infini du bout d'effroi, et on espère, non pas on espère, ils le disent, on est garanti d'avoir un projet hip-hop, créole, caco, soul, tout ce que vous voulez avec Ishango Sound en 2019. Et ça augure une belle année. On écoute tout de suite 88. Okay. can I get an amen? Typique confidence hostile, n'est-ce qu'il y a le phénomène? En hip-hop domaine, à l'aise quand à l'hôtel, quand j'en paye à Halloween, cac les gays quand halogène. Funk, hip-hop est en chacha, en casse-pigne arrête et fin t'es un rap crash. Quand on songe ini apprend c'est ini master. Mista di Shango rap slap terminate. Exponentiel, levé tête gardé dans ciel. A pas audio, a pas avion, non a pas l'arc-en-ciel. C'est superman nous qu'on mimi en si l'essentiel. Qu'a développe hip-hop, y'a papa yen qui parle en guiel. Connaissance c'est clé, ou si filé pour sec. Les mauvais zeb campé, je vois clé les affumélés. Nous c'est message qu'a diffusé parole. Parler one love, big force, bas les sauces, j'ai maladé. Qu'on 88, hip hop est sorniac, un cas creep, nous effilons nuit. Inique, un épice, les geeks qui nous monnaient pour inique. T'as la pape, les zip vide, un cas de chaque ménage. Un cas de bout des voix, qu'on 88, hip hop est sorniac, un cas creep, nous effilons nuit. Inique, un épice, les geeks qui nous monnaient pour inique. T'as la pape, les zip vide, un cas de chaque ménage. Bonne nuit, Chago Sun, voici le 16, son Altesse, Boss Finance. En rotation chez Funk, Master Flex. Que Jarvey sont ma famille, dans les West Indies. Mais qu'on s'en gagne à Libreville City, Afrique, Côte Ouest, fraîche, hot sex. Ma chérie d'amour en peste, t'as un doute, demande aux ex. Belle Asiate, Latine et Négresse. Au nom du love et du lust check. Exotique, futuristique, musique, comme le son de SpaceX. Pas mon style, en jet, grand genre de neige. Fraîche, prime sur ma veste. Zeste, élégance et finesse. Les puristes qu'on connaît se respectent. Faut que ça fasse, t'es dans vos têtes. Ou au top depuis 97. Remède poète, travaille l'option du popette. Pour mes gens, spoulés d'entre eux, j'ai viré d'abommer au thème. Le fait du bout des voix qu'on 88. Hip hop est sorniac, un cas creep, nous effilons nuit. Inique, un épice, les geeks qui nous monnaient pour inuit. T'as la pape, les zip vide, un cas de chaque ménage. Le fait du bout des voix qu'on 88. Hip hop est sorniac, un cas creep, nous effilons nuit. Inique, un épice, les geeks qui nous monnaient pour inuit. T'as la pape. La trap en créole est sûrement le genre le plus populaire chez les jeunes aux Antilles et commence même à se faire voir chroniquer dans les médias nationaux en France. Pour autant, on peut regretter une appropriation de ce genre qui se limite uniquement à l'emploi de la langue et qui conserve de la langue créole et qui conserve tous les clichés et caractéristiques sonores des productions américaines. Eh bien, ce titre peut être l'objet d'un vœu pour l'année 2019. C'est une exploration de ce qui peut faire notre originalité, de notre patrimoine. Là, il s'agit simplement d'un sample du groupe Kassav sur le morceau Olaouye. Et bien pourtant, c'est peut-être un petit vent léger d'espoir pour une exploration plus large du genre trap qui peut permettre de faire beaucoup de choses. Le titre, c'est OKLM Freestyle de l'artiste Pond de Mike. Pond de Mike qui a sorti eh bien, son album en 2018 où il n'explore pas spécialement cette voie-là, mais on reste positif parce que voilà, c'est aussi par les artistes plus populaires que le changement, que le son, le style, caco, etc. va pouvoir arriver dans les oreilles d'un public un peu trop habitué aux éternels, même format Pond de Mike au KLM Freestyle. Je représente la street, hypno sur le hit, Pond de plébiscite, propagande de l'illicite. Mon daron me félicite et il sait que je vends du shit. Et après tu sais j'achète, j'entends plus de paroles bullshit. Doudou veut une parole, elle sait bien que je suis roulé. Rien qu'elle veut se coller, mais ça pourra pas coller. Wadoop c'est la folie, les darons sont affolés. Les psys ils sont pas polis, le canon pour ses polis. Ya une bouffée d'oxygène de drogue douce. C'est pas quand c'est rigène, c'est fort je tousse. À grand quand client vient vite pour faire ses courses. Plein d'action mais on n'est pas côté en boxe. J'entends la police qui passe, je vois mes gars qui encaissent. Ils sont que 4 dans la caisse, on est à 5 dans chaque pièce. On n'attend pas que le temps passe. Ma money gang Zobra, Guadoupe Madayana. L'argent qu'a fait tes voix là. Où j'en connais de voix là. Toujours dans le bain, nous dit time. Où y'a ramassé le sens pour voir l'oseille, j'suis comme un line. J'viens pas trop pour que n'est. J't'explique qu'on s'organise. La Guadeloupe c'est West Indies. Y'en a foutre de ce qu'ils disent. J'suis toujours dans le bain. Y'a nous dit time. Où y'a ramassé le sens pour voir l'oseille, j'suis comme un line. J'viens pas trop pour que n'est. J't'explique qu'on s'organise. La Guadeloupe c'est West Indies. Rien à foutre de ce que disent. Puisqu'on parle de trap, du côté de la Martinique, il y a l'artiste Yon avec son projet Ish La Line Part 1. Sur ce projet, il y a le titre Papaya qui a attiré mon attention. Son assez fou, un flow très intéressant, Papaya de Yon. Besoin d'une nouvelle dope, besoin d'osmose. Connecté aux quatre coins du monde et au cosmos, j'suis mon indo. La nouvelle vibe est taf, elle grimpe au rideau. La chatte quand elle voit Abo fume la white widow. Le croco sur le polo, le torse à des ornes, le poitrail des nègres les plus malfamés. Violence et crack à putain, il faut changer d'air. Montrer autre chose que c'est Satan et fait divin. Madère, Guada sur le planisphère originaire. Tout cougnant et dans l'is dans l'imaginaire. Bas de licorne, bas de fumée, des sorcières. Des diables, des femmes au regard revolver. Panique, bichon. La nuit est qui vaut 8 ans. On a idée d'ambition. Design de la légende. Magie oratoire, manigance à toi, médisant sur toi, langage migratoire, 400 ans d'histoire, ancêtre au mitao, mitam remitao, tac pitac pitac, c'est le départ, pas juste des smicards, putain de débrouillard, pas péché mec qui, malgré le climat, marche dans le brouillard, manipule grâce au mot de grimant, le tatiche est facile, mais négro te cuisine, transforme ta cocotte en bouilloire, tu parles des îles, mais tu connectes l'hôtel, ferme ta gueule, dis pas panique, problème, la nuit trop collée, la nuit trop chômée, Comme cyclone et soleil, qu'est-ce la panique, madame soleil, j'ai un camaille devant la porte, non mais panique, qui pichon, la nuit est qui bon, vite puissant, en carité comme piton, ça y est la légende, papa, panique, qui pichon, la nuit est qui bon, vite puissant, en carité comme piton, ça y est la légende. Le chant du coq qui t'éveille, le feu en bouteille, douci au groseille, au petit déj. La bénédiction au sortilège, parti comme sans songer la crinière. Les tambours a frappé, coq a souffert, femme au pape frappé, fait ça ici moi. On peut toucher le ciel, la pointe Simon. On peut vouer l'enfer, bon le couvent. Oui ou la capon bien, mais pas garder bien. Si où est ça bon ou qui est flippé. Entourage mal, c'est mal équipé. Si sans ta force, en toute impunité. Caresse le blé, ouais. Pas de l'amitié. Fais le blé. Le bureau, faut que le praticien. Genou à terre, car y'a pas de pactitude. Faut que la théorie soit le practice. Panique, bichon. La nuit vite qui vaut, vite puissant. En carité, conviction. Ça y est de la légende, papa. Panique, bichon. La nuit vite qui vaut, vite puissant. En carité, conviction. Conne Lambi Musique Jeudi avec EDS pour vous souhaiter cette bonne année 2019. Ben, on arrive à la fin de cette heure et on a entendu peu, très peu de reggae, très peu de dancehall. On pourrait saluer certains artistes comme Tiwoni qui ont sorti énormément de très gros sons en 2018. Le titre reggae de la sélection va venir du MC Kanis, K-A-N-I-S de Guadeloupe. Le titre Zion Business, extrait de son projet en cours à venir, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, écoutez Zion Business de son projet Le Blues des Champs de Cannes, un titre extrêmement concret, extrêmement réaliste, tout un programme, tout un hustle autour des produits de la nature qui nous pourrait nous faire penser à un titre également du rappeur Paisano, Biologie, Qualité. Tout un programme concret. On écoutait déjà Zion Business et on espère aussi, ben, du côté de Paisano, vous jouer ce son-là cette année. Un retour à la terre dans les musiques urbaines. Yo, c'est Zion Business. Aïta le soleil, debouille à pas pêcher. Babylon a trouble, mais c'est racine légende. Aïe, n'aïe qu'à planter, c'est si manioc qui fouille après. Et nous-mêmes, qu'à y investir, c'est Zion Business. Aïta le soleil, debouille à pas pêcher. Babylon a trouble, mais c'est racine légende. Aïe, n'aïe qu'à planter, c'est si manioc qui fouille après. Et nous-mêmes, qu'à y investir, c'est. Aki tala, awa, yo, pas qu'on est tala, tala son. Black anonyme soldat sorti en bas bois la crie moi MC Razer, spécialiste lui mène rasier. Back to the woods man, ma rouvine à la base, yeah. Planter le gym, oh, manger racine. Longtemps Rastaman qu'à 10 ans que nous vit, tu se mettes. steak fruit sa pa clean. Not a Rastaman king, man Henry Joseph Kaki Caribbean régime comprend. Pour qui bite fort régime son régime. Molly si dirie pat, mange plus le gym. Passe ma tête à crabe qui rend nous solide comme ça. Si y'a mes manioc qui rend nous bander qu'on nous yé dit. Yo c'est Zion business. Aïta le soleil, debouya pas péché. Babylon a trouble, mais c'est racine légende. Aïe n'aï ka planté, c'est si manioc qui fouille après que nous même ka y investi. C'est Zion business. Aïta le soleil, debouya pas péché. Babylon a trouble, mais c'est racine légende. Aïe n'aï ka planté, c'est si manioc qui fouille après que nous même ka y investi. T'as la son, MC local, crié moi pap quand t'as la capomote manger Zion man ou pas. On est là, ça nous a été parlé. Nous capoter gomme, oh. Ces yeux qui lâchent, nous va plus folle. Et nous ensemble, t'as la café bam bam. L'argent la café dum dum. Nous café business en bas savonne. Nous mettre l'argent en bas cabane. Bef, cochon, cabouit, cavonne. Kenneth, coco, con, c'est la bonne. Qu'on fume, nous ca chahier, monter, descendre. Pâté, patate, pâté, fouille, apaisillant. Nous ca travailler, boy, nous capoter gomme. Nous ca fumer, boy, nous ca couler flamme. Nous ca parler, balé, joint, parler, balé, woodsman. Level legal business, nous ca fuck, babylon, c'est bonne. Farine, manioc, dick, tombe, banane. Rim, pop, cigarette, gal, bazan, man. C'est comme est-ce que fait monde, c'est bon, nous cavons. Mon neveu nous capote passer pas, c'est bon, là j'en apprends. Zion business, Aïta le soleil, debouya pas péché. Babylon a trouble, mais c'est racine légende. Aïe n'aï ka planté, c'est si manioc et fouille après que nous même ka investi. C'est Zion business, Aïta le soleil, debouya pas péché. Babylon a trouble, mais c'est racine légende. Aïe n'aï ka planté, c'est si manioc et fouille après que nous même ka investi. On va parler au désert, mais médicinal, feuillage aromatique, héritage ancestral amérindien, puis afrique, nous capons de médecine traditionnelle, Zion travaux pratiques, nous baillons remède local, dit nous c'est potion magique, grand-maman t'es exceptionnel, t'es à connaître natural mystique, qui fait si j'en dis remède rasé, vin scientifique, il parle de trois tasses, j'ai le pana et puis zébapic, tabac à Jaco, si connaît le plus basilic, il pas fait grand l'école, mais il te connaître la botanique, j'en dis mon maman ni technique, ça qu'a mettre l'Europe là en panique. Yo ka vote business chimique, ka yo ka y coule kon Titanic. D'attirer le café en comeback, peuple a ka ouvi nos classiques. Zion. Après le blues des Chants de Cannes de MC Canis, le blues du carnaval de Mario Canonge avec son album Zouk Out. Un album où son jazz se consacre au zouk, mais comme vous savez, pour vous souhaiter cette bonne année 2019, la saison du carnaval a déjà commencé chez nous, donc on va augmenter le tempo, le titre Carnaval Blues. Thank you. mettez en pangal pour nous courir vider. On vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous, d'avoir écouté, eh bien voilà, toutes ces promesses pour l'année 2019. On espère qu'elles seront tenues. On n'en tiendra pas rigueur aux artistes, car on connaît la difficulté de faire aboutir, on l'a dit, on le répète, tous ces projets, mais il y a vraiment de la très très grande qualité à venir. D'autres artistes dont on n'a pas pu vous passer des morceaux ont également prévu de sortir leurs albums cette année. On pense notamment à Sébastien Drumeau du côté de la Guadeloupe. Il y en a d'autres, on va rester attentif, on est là pour ça, et vous pourrez écouter, eh bien, les fruits de nos recherches, de ce travail dans nos podcasts. Musique Jeudi, Con Lambi, premier dimanche de chaque mois, 16h-17h sur Radio FPP. C'était EDS, bonne année 2019, et on termine Carnaval Blues de Mario Canonge. Mettez-moi,